Frédéric Barberousse, par Feng Brentano. Voyons l'empereur Barberousse dans la force de l'âge quand, en 1152, sur ses 30 ans, il fut appelé à succéder sur le trône impérial à son oncle Conrad III. Il était de taille moyenne, un blond aux yeux bleus, les cheveux frisés et portant toute sa barbe, dont le blond tirait légèrement sur le roux, d'où le nom de Barbarossa, la barbe rousse, que lui donnèrent les Italiens et que l'histoire a conservé. La fraîcheur du teint ajoutait à l'agrément du visage d'une expression souriante, bienveillante. Rompu aux exercices du corps, brillant cavalier et qui excellait dans les jeux de la chevalerie, joutes et quintaines, il avait déployé sa vaillance sur les champs de bataille, notamment en Terre Sainte, où il avait suivi l'empereur Conrad. Il était remarquablement intelligent, aimait à s'instruire dans la lecture des chroniqueurs et parlait avec éloquence sa langue maternelle. L'empereur Conrad, qui se voyait mourir, crut devoir recommander aux grands électeurs de l'Empire son neveu, de préférence à son propre fils, qui n'avait que 8 ans. L'Allemagne, troublée par la lutte entre les deux puissantes familles des Belfs et des Hohenstaufen, et par les querelles répétées en tout lieu des Landgraves, Margraves, Burgraves, ne pouvait être maintenue dans une paix relative que par une main ferme et une volonté résolue. Frédéric Barberousse apparaîtra dans l'histoire comme le type le plus représentatif des empereurs germaniques du Moyen-Âge, en ce que leur personnalité a eu de puissant et de réellement actif, et aussi en ce qu'elle a eu de vain et de chimérique. Il nous est aujourd'hui difficile de comprendre l'influence immense que les théories abstraites et la tradition des idées avaient sur les hommes de ce temps. Élu empereur et sacré à Rome par le souverain pontife, Frédéric Barberousse se considérait comme l'héritier direct de Charlemagne, bien plus comme l'héritier des empereurs romains, les Justiniens, les Constantins, les César Auguste. Il est vrai que les rois de France se considéraient aussi comme les héritiers de Charlemagne et des empereurs romains. Mais ces prétentions contradictoires n'eurent pas au Moyen-Âge l'occasion de s'affronter. En sa qualité d'héritier des empereurs romains, un Frédéric Barberousse se croyait bonnement et très sincèrement le maître du monde, et non seulement à titre de prince régnant, mais à titre privé. Il considérait le monde comme son bien, sa propriété, tel son champ, son clos, sa terre, son domaine. Dieu en avait décidé ainsi. Les légistes du temps, les professeurs de droit, dont les plus renommés enseignaient à l'université de Bologne, ne laissaient d'ailleurs pas de renforcer dans la pensée du prince cette conception du pouvoir impérial en produisant de nombreux textes tirés de la législation romaine. Que la volonté du prince soit la loi suprême en était une des formules, et Frédéric Barberousse entendait bien qu'elle fût appliquée. À ses yeux, le royaume de France, le royaume d'Angleterre, n'étaient que des provinces du Grand Empire dont il était le souverain et dont les rois étaient ses sujets. Il les nommait des provinces, ainsi qu'il en allait sous l'Empire romain, et traite de même le Danemark, la Pologne, la Hongrie, les villes libres et les principautés italiennes, les États pontificaux eux-mêmes. Cette conception de son pouvoir, née de la fameuse unité du monde romain, fut dans la vie de Barberousse une cause de faiblesse, car elle l'embarqua dans des aventures chimériques. Elle motiva aussi l'extrême rigueur, l'effroyable cruauté avec laquelle il sévissait contre toute velléité de résistance, qui lui paraissait criminelle de la part de gens, fussent-ils des Italiens, qui tenaient de lui tout ce qu'il possédait. Mais d'un autre côté, cette ferme conception de son autorité lui donna dans sa politique une énergie et une franchise d'action auxquelles il eut grande part de ses succès. Dès après son couronnement à Aix-la-Chapelle, le 9 mars 1152, Frédéric écrivait au pape. Mon intention est de restaurer dans son ancienne vigueur et excellence l'Empire romain. Aussi fallait-il commencer par réduire sous son autorité immédiate l'Italie elle-même. On le voit dévaler en Toscane, à la tête de forces immenses tirées de son vaste empire, 5 armées. Les Bourguignons et les Lorrains, sous le commandement de Berthold de Zeringen, passent par le Grand Saint-Bernard. Les Souabes et les Franconiens, sous les ordres de leur duc Frédéric, passe par le Splugen. Le roi de Bohême, à la tête de ses Tchèques, et Henri le Lion, emmenant ses Saxons, accompagne l'empereur, que suivent les princes et les évêques de l'Empire par les vallées du Tyrol. Enfin, les Autrichiens, les Corinthiens, les Hongrois ont pris la voie du Frioul. La jonction se fait dans la plaine lombarde avec les Bassots d'Italie, qui reconnaissent l'autorité impériale et qui formaient la 5e armée. Et notons que pareille expédition se renouvellera dans le cours du règne de Frédéric Barbarousse jusqu'à 5 fois. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Italiens ne se laissent pas écraser par ces forces imposantes. Ils étaient dans la plus vigoureuse époque de leur histoire. Des villes libres et des principautés indépendantes nourrissaient une race de citoyens et de guerriers robustes, vaillants, habiles aux travaux de défense des places fortes et individuellement très supérieurs à leurs agresseurs. On vit des sièges épiques, celui de Tartane, celui de Milan, qui se prolongèrent des mois et des mois. L'empereur allemand faisait empoisonner l'eau des sources, les fleuves qui alimentaient la cité. Les assiégés n'étaient vaincus que par la famine et quand, après des efforts héroïques, ils venaient offrir les clés de la ville à l'agresseur, en chemise, pieds nus, de la cendre sur la tête, celui-ci ne permettait aux habitants de sortir de la ville qu'en emportant chacun ce qu'il pouvait tenir entre ses bras, tels les Troyens quittant la cité du vieux Priam. Et la ville conquise était détruite de fond en comble, les fortifications rasées. Milan dut être rebâti entièrement. Frédéric Barbarousse fut couronné roi d'Italie à Pavie le 15 avril 1155. Le 18 juin suivant, le pape Adrien IV, le sacré empereur, dans la basilique de Saint-Pierre. Mais, sous la répulsion que leur inspiraient les Teutons installés dans la ville, les Romains se soulevèrent. Une sanglante bataille s'engagea dans les rues. La chaleur des mois d'été était suffocante. Les Germains n'y étaient pas accommodés. L'empereur n'avait pas songé au ravitaillement de ses troupes. Il fallut battre en retraite. Sur le chemin du retour, en sa mauvaise humeur, Frédéric détruisit Spolète. Le voilà revenu en ses marches d'Allemagne et occupé à mettre ses burgraves à la raison. Quand il ne leur faisait pas couper la tête, il condamnait les hobereaux rebelles à marcher pieds nus, 1 lieue durant, en portant un chien entre leurs bras, ce qui était, paraît-il, le châtiment qu'il redoutait le plus. « J'ai fait pendre les chefs des 7 cités lombardes. Albert l'Ours m'opposait 10 000 hallebardes. Je le brisais. Mes pas sont dans tous les chemins. J'ai démembré Henri le Lion de mes mains, arraché ses duchés, arraché ses provinces, puis avec les débris, j'ai fait 14 princes. Enfin, j'ai 40 ans, avec mes doigts d'airain, pierre à pierre émietté les dongés dans le Rhin. » Mais en Italie, tout était à recommencer. D'autant que les prétentions impériales s'y heurtaient à un nouvel obstacle, les prétentions du souverain pontife, lequel réclamait également une suprématie universelle qui, elle aussi, lui aurait été transmise par Dieu. Cette doctrine avait triomphé comme on sait à Canossa, sur l'empereur Henri IV, le grand-père de Frédéric. Adrien IV la remettait en activité. En octobre 1157, à la diète de Besançon, car la Franche-Comté relevait encore de la couronne impériale, le cardinal Roland Bandinelli présenta publiquement à l'empereur une lettre d'Adrien IV où on lisait « Souviens-toi comment l'Église romaine t'a fait arriver au sommet de la grandeur en t'accordant la dignité impériale. Nous ne nous repentons pas d'avoir accompli ton désir. Nous nous réjouirons plutôt si tu as reçu de nous de nouveaux bénéfices. Bénéficia. » Il faut savoir que le mot « bénéficium » au pluriel beneficia, bénéfice, désignait dans le style des feudistes une concession de fief par un suzerain à un vassal. À ce mot, dans la lettre du pontife romain à l'empereur, ce fut, parmi les grands d'Allemagne, une formidable clameur. Otto de Wittelsbach tirait son épée, dont il voulait transpercer le légat téméraire. On eut les plus grandes peines du monde à l'apaiser. Bandinelli faisait face à l'orage. De qui donc l'empereur tient-il son pouvoir si ce n'est du pape? Et Frédéric de répliquer, « Si nous n'étions dans une église, vous éprouveriez combien sont lourds les glaives allemands. » Le pape Adrien s'efforça de calmer la colère impériale en expliquant que dans sa pensée, le mot « beneficium » n'avait pas signé « bénéfice » mais « bienfait ». À Adrien IV succéda, sous le nom d'Alexandre III, le cardinal Bandinelli lui-même, l'audacieux légat de Besançon. aussitôt l'empereur de déclarer qu'il ne reconnaissait pas son élection et de faire élire, par quelques cardinaux à sa dévotion, un antipape qui prit le nom de Victor IV et il se mit à la tête d'une nouvelle armée pour aller à Rome introniser le pontife de son choix que la France, ni l'Angleterre, ni l'Espagne ne voulaient admettre et qui, en Allemagne même, rencontrait une vive opposition. Rome fut assiégée, capitula. Saint-Pierre, les lieux saints furent profanés. L'antipape entra au Latran. Barberousse triomphait, quand un fléau terrible, une fièvre pernicieuse, née de la malaria romaine, s'abattit sur les Germains. 25 000 hommes périrent en quelques jours. L'archevêque de Cologne, Saint-Québec, la plupart des conseillers de l'empereur, succombèrent au fléau, où chacun voyait la main de Dieu. L'empereur lui-même en eut la frayeur. Il ne s'agissait plus que de se sauver avec les débris d'une armée en décomposition. Sur la route de Lucques, Viterbe, Pavie, les hommes d'armes en fuite étaient assaillis par des bandes hostiles qui les décimaient. De cette armée magnifique, peu de guerriers devaient regagner leur foyer. Pour la seconde fois, Barberousse était vaincu. Il le sera une troisième fois, le 29 mai 1176, à Legnano, car dans son obstination conquérante, le Barbarossa avait reparu dans les plaines lombardes à la tête de forces nouvelles que les Toscans mirent en pleine déroute. Et il conclut la paix avec la papauté qui, une fois de plus, sortait victorieuse de la lutte avec son puissant adversaire. Sur le retour, Barberousse traversa le sud de la France et reçut à Arles, la couronne du royaume de ce nom, et qui mouvait également de l'Empire. Par Lyon, enfin, et Besançon, il regagna l'Allemagne après une absence de 4 années. Ici, il est vrai, il trouva des compensations. Les Danois, les Polonais, les Hongrois avouèrent sa suzeraineté. Les grands feudataires s'humilièrent devant sa puissance. À la diète de Mayence, en 1184, parurent, en humbles servants de leur prince, 70 000 chevaliers et 70 têtes couronnées. Il fallut construire en hâte toute une cité de bois pour abriter les foules accourues. Il y eut des fêtes splendides. Jamais la couronne impériale n'avait brillé d'un pareil éclat. Il était encore rehaussé par la poésie séductrice, car les trouvères du Rhin, les Minnesinger, cèdent de l'amour, font alors entendre leurs chants les plus beaux. Les fameux Nibelungen, dont on a fait à tort un chant épique, une épopée, alors qu'il ne s'agit que d'un roman de chevalerie, datent de cette époque. Ils peignent la société guerrière qui entourait l'empereur. Ainsi, les poètes du temps, continués par les modernes, ont fait retentir la gloire de Frédéric Barberousse. En 1190, avec ses glorieux contemporains, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, quel triumvirat, Philippe Auguste, Barberousse et le Cœur de Lion, l'empereur allemand partit pour la troisième croisade où il devait trouver la mort. Son armée avait franchi les sentiers rocailleux du Taurus. Elle s'était engagée dans la vallée du Séleph, en Syrie. Un soir, après le repas sous la tente impériale, Frédéric voulut se baigner dans les eaux rapides du fleuve. Le courant l'emporta, il périt dans les flots. Depuis bien des années, il n'était plus l'empereur à la barbe d'or, mais à la barbe fleurie, comme les trouvères disaient de Charlemagne, son modèle, son héros favori. Il avait 70 ans. Le peuple ne voulait pas croire en sa mort. Dans les burgraves, les bonnes gens en devisent encore. L'on m'a dit, mais la fable est un chant sans limite, qu'échappé par miracle, il s'était fait ermite et qu'il vivait encore. Plus au ciel qu'il vint. C'était Frédéric Barberousse par Funk Brentano.